Marche et écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeurs, auditrices, vous venez de quitter votre quotidien. Vous venez de traverser la route de la station de ski des Monts d'Olm où je me trouve en Ariège. Pour cette carte postale sonore, vous entrez dans la forêt. Dans cette moyenne montagne, il a plu et au-dessus, vers 1400 mètres, les premières neiges de l'hiver ont fait leur apparition. Pour l'instant, un tapis de feuilles humides au son soyeux vous accueille. On s'éloigne de tout. Du mystère, du silence et de la découverte. Et la discrète mélodie des oiseaux. Je reprends la marche. reste fluorescente. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne, non seulement on a envie de découvrir ces premières neiges et les hautes cimes du massif du Saint-Barthélemy. Mais aussi, au fur et à mesure de cet éloignement, on se sent, en quelque sorte, voyager. Une aventure, un voyage sonore. Voilà ce qu'il y a sur le chemin. De la vie secrète de la forêt. Il ne pleut pas. C'est juste la fonte du saupoudrage de neige qui s'est déposé sur les ramures des sapins. Cela vous donnerait presque l'illusion d'une forêt tropicale. La texture du sol a légèrement changé. C'est lié à ce saupoudrage. Première neige qui craque sous vos oreilles. Non. Vous n'êtes pas seul. Tout vibre. Des ondes, des sons. Une vie discrète est cachée. Non, vous n'êtes pas seul. La forêt blanchie par cette parure hivernale dans nos paysages, en quelque sorte, plus de profondeur. Tout semble plus vaste, plus grand. Une pluie de gouttelettes d'eau dorée par par le soleil. Cela tombe comme des perles de lumière. Un monde un peu plus silencieux se décline à chacun de mes pas. Léger menton neigeux de poudreuse. Brillant de mille feux sous le soleil couchant. Reste silencieux, comme devant une œuvre d'art. C'est ce que disait Victor Hugo, l'amphithéâtre de la nature. Vous y êtes. D'un son nouveau. C'est la promesse d'une nouvelle découverte, l'éclat d'un son nouveau. Piste caillouteuse, car nous sommes tout simplement passés en versant sud-est. Tout comme une peinture, une palette d'ambiance, de lumière, de couleurs, de fantaisie. À elle seule, la nature est une source de création immuable. Thank you. m'assois. Et comme vous pouvez le remarquer, les gouttelettes d'eau qui s'écoulaient des ramures des sapins s'estompent. Donc, il fait un léger 0 degré. Et nous sommes à près de 1450. Et la neige à moitié poudreuse, à moitié mouillée, glisse entre vos oreilles. Quasiment le dernier son avant la redescente. Quelques rayons de soleil rosés passent entre les branches de ces profondes sapinières. Je voulais vous faire écouter une subtile nuance. La neige est plus épaisse. C'est l'évocation du Grand Nord. Toute proportion gardée. Le silence de l'hiver. Je suis à l'intérieur des arbres. Un lit de lumière sur un tapis de neige. Et voilà la toute-puissance de la montagne. Retour vers la basse montagne, enfin, cela s'entend à ce mélange contrasté de gloussement d'eau et de présence de neige. Le soleil s'est complètement couché. Dans le ciel, des nuances de bleu, de mauve, de rose, d'orange. La forêt s'assombrit. Agréable, accueillante et musicale. Le milieu forestier pyrénéen vous accueille à nouveau. Ici, dans ce crépuscule pyrénéen d'une fin de journée d'hiver, je vous laisse. Entendre, sentir, ressentir la musique de la nature, ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.